Donc, Kiwan va s'amuser à jouer avec des bâtons et des balles. Ben, Mathieu, lui, va vous présenter un condensé de la meilleure musique de C'est fou. Je vous ferai entendre les nouvelles entrées de Fred Fortin et les mal léchés Mastercraft et Sunset Rubdown. Les palmarès C'est fou, vendredi, 17h.